Les chemins du vendredi, cours particulier aujourd'hui avec... Michael Levinas. Bonjour Michael Levinas. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur les chemins de la philosophie. Je suis heureux de revenir dans les lieux de la radio. C'est le lieu de mon enfance, vous savez. Vous avez grandi ici ? Oui, oui, oui. C'est-à-dire ? Écoutez, j'ai deux lieux comme ça où je suis né. Il y a un qui est à Auteuil dans le jardin de Madame d'Helvétius. C'est là où j'ai cru que le monde ressuscitait. Et puis j'ai vu grandir cette maison... Et j'y ai travaillé des années, j'ai fait du piano, j'ai fait des émissions, j'ai rencontré ma femme. Et aujourd'hui, c'est très émouvant de venir parce que je suis né dans l'espoir de la Renaissance et j'espère que je viens ici dans l'espoir de la résurrection, voyez ? Vous êtes bien le seul à qui cette maison de la radio inspire la résurrection. Oui, que quelque chose va sortir de ce que nous traversons. Voilà. Bien. En tout cas, je suis sûr que quand vous veniez avant, vous ne portiez pas le masque. En émission, n'est-ce pas? Ah, mais j'ai jamais su si j'étais pas un peu masqué, vous voyez. Ah bon, en tout cas, là, vous l'êtes et moi aussi, ça, c'est sûr. Oui, oui, oui. En tout cas, vous êtes ce matin en studio pour ce cours particulier. Hein. Chaque semaine, nous donnons la parole à quelqu'un qui vient parler de son métier, de sa pratique, philosophe, historien de l'art, psychanalyste, rugbyman, rabbin et aujourd'hui, alors quoi? Musicien? Je vous présente comme musicien? Musicien dans une complémentarité sans laquelle la musique ne serait pas possible pour moi. La composition, l'interprétation, la composition. C'est un tout. L'un ne va pas sans l'autre. Interprétation, l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'était parce que, comme vous n'êtes pas en ignorant, même que j'ai passé une partie de ma vie au 19e siècle, au 20e, vous voyez le lapsus, tellement nous sommes marqués par le temps. Eh bien, au 20e siècle, au 19e siècle, oui, on pouvait être compositeur et pianiste, pianiste et compositeur. Et d'ailleurs, ce sont les plus grands à l'époque qui l'ont été, et les moins grands aussi. Au 20e, ça a été plus rare. Il y a eu des spécialisations. Et dès le départ, le clavier a été mon interlocuteur, mon lieu de départ de l'imaginaire, à travers mes doigts, l'écriture venant là, en même temps, mais sans la composition, je pense que j'aurais pas eu la relation avec les textes et la virtuosité, mais sans le piano et sans l'interprétation, je pense que j'aurais pas suivi le même parcours dans le domaine de la composition. Parce que j'ai toujours fait mon son avec mes doigts au piano et j'étais improvisateur depuis la toute petite enfance. Puis il fallait que j'écrive et puis j'avais des antécédents qui me disaient « écris ». C'est-à-dire ? Le père. Le père, c'est-à-dire ? Ben, mon père toujours s'inquiétait. Donc Emmanuel Lévinas. Emmanuel Lévinas, si j'écrivais, écris, l'impératif catégorique. Et donc j'ai toujours eu la présence du son dans mon travail de composition. Et au fond, je sais que c'est quelque chose qui appartenait au XXe siècle, parce que le son est devenu quelque chose de très personnalisé dans la création. Et donc, voilà, je suis pianiste-compositeur, compositeur-pianiste, et souvent d'ailleurs le milieu artistique a eu du mal à l'accepter, notamment en France, parce qu'on aime beaucoup les clivages, on les aimait. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est plus le problème de la jeune génération. Mais donc, vous demandez, oui, je suis musicien, je suis cette... complémentarité indissociable. Entre l'écriture d'un côté, le son de l'autre, entre votre père et votre mère, c'est ça ? Votre père était philosophe, votre mère était pianiste ? Ma mère était pianiste venant de Russie à travers Vienne. Et c'est vrai que je suis né en écoutant un piano Gavo où j'ai entendu des œuvres... probablement qui ont été très déterminantes. Et puis j'allais derrière le piano, écouter la résonance et le son. Voilà, donc c'est ça le début de mon histoire. Le début de votre histoire en son et en musique, le voici donc. Parmi les compositeurs qui vous sont chers, Michael Levinas, on en trouve plusieurs. On en trouve notamment Beethoven, à qui vous avez consacré un ouvrage qui paraîtra la semaine prochaine, qui s'appelle Beethoven Toujours. 32 sonates pour quel infini aux éditions du Cerf. Ce sont des entretiens avec Daniel Cohen-Levinas et nous sommes en train d'entendre, paraît-il, la première sonate que vous avez entendue jouée par votre mère. Exactement, j'ai entendu jouer par ma mère et c'est vrai que la question de l'idée musicale, c'est-à-dire... Donc c'est la sonate numéro 1. Sonate numéro 1. En fa mineur. L'idée musicale, c'est-à-dire... et là, je ne suis pas boulésien. Enfin, du moins, je n'ai pas été tout de suite et je ne le suis plus, mais je le suis un petit peu, bien un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, être boulésien? Qu'est-ce être que ça veut dire, boulésien, l'idée musicale? Ça veut dire... Donc, de Pierre Boulez, le compositeur. Ça veut dire, pour vous dire, un souvenir au conservatoire, quand j'étais déjà enseignant, il est venu faire une masterclass, un cours particulier. Oui, voilà, pour beaucoup déjà, de monde. Avant l'heure. Voilà, et il a dit, qu'est-ce que l'idée musicale? L'idée musicale, c'est ce qui détermine... porte en lui-même tout le développement de l'œuvre. Mmh. Bon, et je pensais que l'idée musicale, c'était aussi le bouleversement et la révélation. Et que sans la révélation et sans le bouleversement, eh bien, l'idée musicale n'était plus vraiment l'idée musicale, mais était une cellule génératrice, comme Schoenberg ne savait plus à le dire, et comme tous les professeurs, Herb, professeurs, ont eu raison de le dire, et tort en même temps. D'accord. Et effectivement, pour moi, cette sonate, c'est un moment où il y a une idée musicale. Cette idée musicale, elle a contrecarré tout ce qu'on pouvait faire comme, imaginer comme ce que serait l'idée musicale. À un moment donné, la phrase s'arrête, subitement, devant une sorte de silence. Et je savais d'ailleurs que Haydn était là à la création et que ce silence, il l'a reçu comme une gifle. Parce que Beethoven aurait dédié cette sonate à son maître Haydn. Il l'a dédié, mais le maître ne l'a pas supporté. Et il n'a pas supporté les conséquences d'ailleurs de ce choc. Il ne l'a pas supporté parce que à l'intérieur de la sonate, on ne l'a pas entendu, il y a des espèces de coups de poing, des sforzandi, totalement imprévisibles, mais qui ont leur naissance, laissez-moi vous dire, une espèce de imaginaire, comme si le maître avait été là, et à chaque sforzando, il y avait une claque donnée au 18e siècle. Là. Vous l'avez entendu? Oui, une claque à droite. C'est-à-dire que le bouleversement se situait là, et plus jamais les choses n'auraient été comme elles avaient été avant. Alors, je vais vous faire une confidence. Probablement que il y a une marque, quelque chose qui vient tout de même. Il y a une marque de l'histoire familiale dans cette histoire de la claque, peut-être. De la claque? Oui, c'est vrai. Peut-être. Vous en avez reçu? Oui, mon père n'était pas un tendre quand il sentait que les choses étaient banalisées. Ah, c'est vrai. Voilà. C'est la banalité qui attirait les gifles. Il ne supportait pas. Il disait toujours, il faut l'extraordinaire. Mais, si vous voulez, j'ai assisté à des événements qui, sans aucun doute, m'ont marqué dans la question de la relation avec l'imaginaire. D'une part, j'ai vécu dans la même pièce que mon père, où il travaillait, où il écrivait. Et j'ai vécu l'impasse artistique. J'ai vécu l'impasse philosophique, le moment où la logique et où la culture devenaient un mur. Et à la fois à travers la langue et à travers le concept, brusquement ça a explosé. D'ailleurs, vous parlez de lui quand il travaillait. Oui, de mon père. Ah oui. Et à ce moment-là apparaissait l'idée philosophique. Et dans l'idée philosophique, elle était toujours inspirait ou elle inspirait une force de la langue. Et cet élément-là, sans doute, sont liés pour moi à ce que j'appelle la révélation, le syndrome du buisson ardent, c'est-à-dire voir quelque chose que personne d'autre ne voit. Et la rupture dans cette sonate à cet endroit-là, effectivement, avec ses conséquences, c'est quelque chose qui change le cours de l'histoire musicale. Parce que je crois un peu à l'histoire musicale, malgré l'esprit du XXIe siècle. Et alors, et bien entendu, il y avait dans l'antichambre de mon enfance un personnage étrange qui s'appelait Shushani, qui était un talmudiste, qui réunissait le banc et l'arrière-ban du milieu intellectuel plutôt que religieux, dont mon père était à côté. Et chaque nuit, j'entendais des hurlements au moment où l'idée du texte se révélait par des forces qui m'ont marqué à tout jamais, y compris dans mon enseignement, c'est-à-dire la force du texte, les ruses du texte, les complicités du texte dans sa totalité avec l'endroit même. Et ces éléments-là, évidemment, je l'avoue que c'est avec Beethoven, et cet extraordinaire beethovenien, que je l'ai vécu. Alors, vous savez, mon père, bon, on va plus en parler hein, aujourd'hui. Oh bah, alors, libre à vous d'en parler, mais on peut même ça, l'entendre. Mais autour de cette question de l'extraordinaire, eh bien, il m'a relaté une scène du Napoléon, où Napoléon, le petit caporal, c'est-à-dire en face de Hyde, voilà, le petit caporal arrive devant des généraux qui ne savent pas quoi faire devant la bataille d'Arcole. Et alors, mon père me montrait le geste napoléonien qui consistait à secouer l'épée pour réveiller les généraux et pour avoir la révélation de ce qu'il fallait faire stratégiquement. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'Arcole. Alors, cette sonate, c'est vrai, cette sonate, eh bien, elle est véritablement, elle est pour moi depuis, j'ose pas vous dire quel âge. Bah, allez-y. Allez, 3 ans et demi. Non. Oui, elle est évidemment... je suis pas en train de faire la Madeleine de Proust. Vous voulez dire que vous vous souvenez de votre découverte de cette sonate oui, à l'âge de 3 ans et demi? Je me souviens de cette découverte et elle m'a marqué dans la composition, dans l'énergie du tempo, dans l'enseignement que j'ai fait en général, dans la manière en général dont j'ai composé dans ma vie, en ayant à la fois une formation académique extrêmement solide et un dénuement devant l'imaginaire, avec le moment où apparaît dans le travail l'idée musicale. Elle a plein de formes, l'idée musicale. C'est pas uniquement le silence d'un sonate en fa mineur. Mais disons que mon travail d'écriture et mon travail d'interprétation consiste notamment, pas uniquement, mais à capter à la fois, je dirais, l'esprit boulésien de l'idée musicale génératrice qui est celle de l'écriture et celle en général de la possibilité de formaliser par l'écriture l'acte de composition, mais aussi l'énergie que je cherche dans l'œuvre que j'interprète, notamment Beethoven, par-delà un aspect historique, analytique oui. ou rationnel. Mais est-ce que l'idée précède la composition et l'interprétation ou est-ce qu'elle vient en composant et en interprétant? Alors, elle vient dans la composition, elle vient dans l'interprétation. Et effectivement, et encore une fois, dans le dialogue que j'avais dans le salon avec Emmanuel Lévinas, je vois que tout de même, il m'a tout de même sacrément influencé, hein, tout de même, hein, vraiment. Mais vous me le faites sortir. Voilà. Vous effectivement, pas besoin de moi pour le savoir. Effectivement, il me disait toujours, souviens-toi. Alors, il me disait des choses. Comment Picasso commençait par peindre une table? Et, alors, c'est Lévinas, hein. Et finalement, la table devenait un visage. Mais, c'est-à-dire, effectivement, comment le matériau va naître, non pas d'une attitude présupposée ou d'un formalisme, mais il peut exister le formalisme, hein, mais il arrive, je dirais, à l'intérieur même du matériau. Alors on va rester à la maison de la radio, évidemment, le temps de cette émission, mais on va replonger en 1991 dans les studios de France Musique. Vous étiez là, Michael Lévinas, en compagnie de votre père Emmanuel Lévinas. Je ne suis pas fou de la musique, fou dans le bon sens du terme, n'est-ce pas? C'est pas comme une œuvre philosophique difficile ou un roman difficile ou un... Ne me décourage pas et j'ai un certain plaisir d'y entrée, n'est-ce pas? Je n'ai pas du tout la même persévérance quand il s'agit de musique à laquelle manque totalement tous les éléments de la danse, tous les éléments du chant. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, cours particulier aujourd'hui en compagnie de Michael Lévinas, et nous venons d'entendre votre père Emmanuel Lévinas dire tout simplement bah, « je suis pas fou de la musique ». Oui, ça c'est une forme de pudeur extrême, hein. Pudeur extrême et d'exigence extrême que je trouve remarquable. Excusez-moi, bon, ça c'est aussi quelque chose. Bon, parce que je pense que Emmanuel Lévinas avait horreur des approches para-artistiques et de l'œuvre artistique et de sa technicité. Mais il dit autre chose. Ouais. Il parle de la question de l'absence du chant. C'est ça. Il dit la musique sans la danse et sans le chant, oui, c'est plus difficile pour lui. Mais moi aussi. Vous avez d'ailleurs composé. Mais moi aussi. Vous avez fait entendre au départ de l'émission une des premières pièces que j'ai écrites qui s'appelle Appel. Vous avez fait entendre Appel. Écoutez, Appel, je peux vous dire quelque chose sur Appel. Ah ben, je vous en prie. Qui d'ailleurs pas été précédé par une autre pièce qui s'appelait Arciste et Thésis ou La chanson du souffle, qui était une pièce pour flûte basse. Est-ce que vous voulez qu'on entende quelques mesures d'Appel? Peut-être le début. Peut-être, je dirais, au bout de 20 secondes. Ah, à partir de 20 secondes. Alors, on va essayer de caler ça. Ça tombe bien parce que on a des gens extraordinaires derrière la vitre. Nicolas Berger et Jacques Hesbert. On est à combien de temps d'émission? Sont en train de caler les choses. On a encore du temps. Voici. Je fais attention, hein, le moment demandé. Oui, je voulais vous faire entendre l'appel de la trompette. J'entends des éléphants. Vous entendez les éléphants, vous devriez plutôt entendre le chauffard. Le chauffard? Vous devriez entendre la corne de bélier, mais vous devriez aussi, effectivement, entendre ce que vous voulez entendre. En toute mais façon, j'aime entendre des éléphants. Mais on m'a beaucoup parlé de l'animalité de l'élément thématique. Ce que vous entendez là, effectivement, est profondément lévinassien au sens où Lévinas vient de s'exprimer en 1991, peu de temps avant sa mort. C'est-à-dire que cette œuvre, cette pièce, peut-être c'est une œuvre, effectivement, est basée sur, au départ, soi-disant, un son qui est un son de corps qui met en vibration une caisse claire. Alors là, on va se croire, effectivement, excusez-moi, la pièce est de 1974 et je vais être très prétentieux, on va se croire en 1974. C'est-à-dire qu'on va se croire dans le moment où la création musicale fixe sur le timbre. Nous sommes à un an de la création de l'IRCAM, des événements très importants, de la prise de conscience de l'acoustique dans le timbre, ce qu'on appelle la musique spectrale. Vous avez peut-être entendu parler de Gérard Griset, Tristan Muraille, et de ce qui s'est passé tout de même d'important sur la prise de conscience de la structure du timbre comme renaissance de l'harmonieux et de l'organique dans le timbre par rapport à tout ce qui était la combinatoire sérielle d'une partie du XXe siècle, l'esprit de l'idée musicale boulésienne telle qu'il l'a exprimée dans son cours au conservatoire. Mais effectivement, le son n'est pas que le son dans ce que nous venons d'entendre. Voilà, là on parlait du chant et de la danse. Mais nous y venons. C'est ce que vous entendez. Nous y venons. L'origine de ce que vous entendez, c'est un échec. C'est un échec, c'est-à-dire que je voulais faire évoluer le son d'un instrument avant en obtenant un rire instrumental. C'est-à-dire que quand vous avez un instrument avant, nous savons que l'articulation de l'instrument avant, c'est te, que, te, que, te, te, te, ce, éventuellement, ce sont des transitoires d'attaque qui, au fond, sont caractéristiques de l'excitation du matériau instrument avant, avec le souffle. Et déjà, à la fin du XIXe siècle, des gens comme Mahler, comme Gustav Mahler, comme Strauss, et puis, au début du XXe siècle, quand le capitaine rigole dans Wozzeck et chez Bartok, les instruments avant rient. Donc j'ai fait venir un instrumentiste avant et je l'ai fait essayer de faire rire l'instrument. Et il est né ce thème-là. Il est né. Donc c'est de la trompette. Oui, la queue, le corps et la trompette. Mmh. Il est né le corps et la trompette. Et finalement, eh bien, vous avez raison. C'est, j'espère, c'est peut-être un son d'éléphant. C'est en tout cas un son spectral, c'est-à-dire qu'il y a une logique acoustique du timbre, mais n'allons pas nous étaler là-dessus. Mais par contre, c'est un appel. Et c'est un appel qui va, le son de l'instrument, on parlait du son en début de l'émission et du pianiste, hein, le son que j'ai cherché, la mise en vibration par le corps qui ébranle le timbre, comme les trompettes de Géricault ont ébranlé les murs qui les ont fait éclater, ça c'est le grand fantasme d'Olivier Messiaen et de la Bible. Mais là, le corps fait vibrer la caisse claire et il va engendrer, le timbre va engendrer la mélodie et le mouvement du corps. Et je vais vous faire une confidence. J'ai fait un texte d'introduction avec mon père sur Appel, qui est en début de partition et qui est en même temps un manifeste sur l'instrumental. L'instrumental serait le prolongement de la voix, mais l'appel est sans réponse. Mais l'appel ne se réduit pas au son. L'appel est une mélodie qui se lance dans l'espace et qui n'a pas de réponse. Et effectivement, il y a le mouvement du corps, mais on sort du timbre vers la mélodie, pas encore la danse, mais véritablement ce que j'appelle le musical, le prolongement du corps. Mais ça veut dire que chez vous, enfin, je vous posais la question de savoir si l'idée précède la composition ou pas. La précision avec laquelle vous décrivez ce que nous venons d'entendre, votre travail, les mots que vous choisissez pour en parler sont tellement pertinents et justes que j'ai du mal à croire qu'ici l'idée ne précède pas le travail. Vous savez ce que vous faites quand vous composez. Parce que beaucoup de compositeurs vont vous dire je compose de manière instinctive et d'ailleurs beaucoup de compositeurs ont du mal à parler de leur travail. Vous, c'est l'inverse. Est-ce que vous me donnez 3 minutes pour expliquer ce qui a préludé à ce timbre de la vibration par sympathie que vous entendez dans le début d'appel? Ben, je vous en prie. Je vais aller très vite. On a le temps. Et encore, si je vous dis encore quelque chose, c'est que la découverte de ce timbre s'est faite ici, à la Maison de la Radio, dans le magasin des percussions qui existait dans le temps, où je suis passé avec ma mère, avec une trompette, pour essayer de voir comment je peux faire vibrer un corps sonore avec un son de trompette. Et puis je me suis promené dans tout le magasin des instruments, et brusquement c'est la caisse claire qui m'a répondu. Et ce son-là, qui est en même temps souffle, bruit blanc, spatialité, c'est ce son-là que j'ai développé sous forme de mélodie et mouvement du corps. Mais l'origine, tout de même, de ce travail, il est... Je vais aller très vite. Ça s'est passé à Darmstadt en 1972. En 1972, à Darmstadt, je suis venu avec le compositeur Gérard Griset. Et il y avait un cours de Stockhausen, Ligeti, Xenakis, Kagel et un certain Wolf. Écoutez, on va encore revenir à Emmanuel Levinas. C'est une sorte de Davos de la vie musicale. Le Heidegger de 72, c'est Stockhausen. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est celui qui a propulsé la contemporanéité vers un au-delà du système rationnel, de la série et de la combinatoire qui avait totalement marqué la musique contemporaine depuis l'après-guerre. Mais pour le pire ou pour le meilleur? Parce que quand vous comparez à Heidegger, la question se pose. Mais parce que c'est un moment où... c'est un tournant musical. C'est un tournant musical et une force qui va. Et alors, il a fait entendre Stimmung, une œuvre marquante, où, contrairement à des sons organisés systématiquement, et ça l'auditeur va le comprendre, quand l'auditeur entend la musique contemporaine, il a l'impression que les sons ne se répondent plus, que les sons sont là pour déranger l'harmonieux, pour déranger, comme dit Levinas, le chant et la danse. Et c'est pas le cas? Or, Stimmung, c'était une œuvre où on entendait brusquement sortir du fondement d'un son un accord d'une poésie harmonieuse totale. Et Stockhausen a expliqué comment le son allait se substituer au système combinatoire pour faire renaître l'ordre harmonique. Et pendant le cours de Stockhausen, passait au-dessus de la hola des avions. Et ces avions faisaient vibrer les vitres. Et donc on entendait deux organisations absolument organiques hein, du son. L'une, c'était l'harmonieux qui sortait du son, et l'autre, c'est l'ébranlement qui venait de la spatialité. Et en revenant à Paris, c'est là que j'ai cherché à relier l'harmonieux avec la spatialité et l'ébranlement du son. Ce qu'on appelle un son qui vous fait vibrer, un son qui vous trouble. Mmh. Le son qu'on entend, par exemple, dans l'orage de la pastorale. Quelque chose qui... un ébranlement qui sort des tréfonds. Vous avez d'autres exemples ? Ah, je peux citer également la fondamentale et les sons mélangés de timbales, grosses caisses et contrebasses dans la marche au supplice de Berlioz. Et bien entendu, c'est pas que j'estime que j'ai... Je pense que c'est moi qui ai repris ce phénomène-là, et c'est ça le son d'appel, et cette exigence acoustique à la fois de l'ébranlement et de la mélodie et de la relation entre le souffle humain, l'ébranlement du matériau, la spatialité, mmh. a traversé une grande partie de mon travail de composition pendant pas mal d'années. La musique est un moyen pour moi de transformer les gens, d'être utilisé par les gens, que chacun peut utiliser certaines musiques pour essayer jusqu'où il peut aller et jusqu'à quel point il peut se transformer lui-même. Et c'est toujours une transformation de la possibilité de vivre le temps, devenir plus vite, devenir plus long, devenir plus large, devenir plus petit. C'est comme Alice dans le Pays des Merveilles. Si vous n'êtes pas capable de changer avec cette nouvelle musique qui change les vitesses et les directions beaucoup plus vite que toute la musique avant, pour cette vie, vous ne pouvez plus suivre. Et vous ne serez plus capable de vivre tout ce qui va venir dans l'avenir. Et certains hommes qui sont pas capables vont partir. Ils n'ont plus rien à faire avec vous. Michael Levinas, vous tenez le cœur avec votre main. Vous avez l'air tellement ému d'entendre la voix de Karlheinz Stockhausen. Bon, c'est pas la voix. Bon, j'ai reconnu la voix de Stockhausen, bien sûr. J'ai reconnu surtout la voix de Stockhausen jeune. 74. Avec d'ailleurs toute l'ambiguïté du personnage tout de même, hein, parce que Stockhausen représentait aussi des éléments qui me sont profondément antagonistes et insupportables. Oui, parce que tout de même, il y a une espèce de force qui va, j'ai entendu ce terme tout à l'heure, vous l'avez pas relevé, mais tout de même, l'histoire de Stockhausen est tragique et très déséquilibrante, sans aucun doute, puisque tout de même, il a vécu la guerre du côté allemand, pas du tout engagé du côté allemand, mais tout de même, malgré lui, engagé et malgré lui, enfermé avec tout ce que ça a pu représenter de tragique. Et on n'allons pas relever tout ça ici. Mais alors, qu'est-ce qui vous émeut ? Ce qui m'émeut, c'est la conscience du sens de l'histoire dans le domaine de la création et l'espoir utopique dans la création. Et ça, c'est une question qui a aujourd'hui, on va pas encore gloser sur la situation actuelle, mais pourquoi ne pas le faire? C'est une question qui est à mon avis, au cœur du devenir de la création. Du cœur du devenir de la création, d'abord, parce que je vais parler comme un religieux. Bon, on y est déjà. Vous avez employé beaucoup de vocabulaire religieux depuis le début de l'émission. Écoutez, croire à la création, croire à l'utopie, croire au devenir, croire à l'œuvre, croire à sa vocation d'être transmise, et comme dit Stockhausen, alors de faire avancer les choses. C'est magnifique cette idée que la musique puisse aider, il dit, à transformer les gens et permettre aux gens d'avancer avec elle. Alors, c'est effectivement une vision très, en même temps très idéologique de la musique. elle est très symptomatique, en tout cas, du grand espoir de la fin du XXe siècle, et aussi pour quelqu'un qui avait cette capacité du bouleversement qu'on évoquait chez Beethoven et qu'on trouve chez Haydn, c'est-à-dire que quand vous écoutiez une œuvre de Stockhausen, vous ne pouviez pas en sortant ne pas avoir eu des révélations et de voir que la musique ne sera plus la même après l'œuvre qu'il a créée, en tout cas dans la grande période stockhausenienne. Mais ces questions de la relation à l'avenir, la relation au devenir, effectivement, sont souvent au cœur des interrogations des jeunes générations et effectivement au cœur des problématiques concernant la notion d'œuvre et la vocation de l'œuvre aussi à être transmise, la vocation de l'œuvre à faire évoluer quelque chose. Avec cette confusion qui a pu progressivement s'installer, puisque le XXe siècle a beaucoup utilisé la technologie, c'est-à-dire une peut-être un moment de quiproquo entre le principe du progrès technologique et le principe de l'évolution artistique, auquel même quelqu'un comme Boulez n'a peut-être pas échappé. Entre le progrès technologique et l'évolution artistique. Voilà. Il y a eu quoi, un décalage ou... Non, au contraire, ils ont cru... Qui ils ? Stockhausen, ouais. Boulez et beaucoup d'autres, que véritablement, il y avait une corrélation profonde entre la notion de l'évolution technologique et l'évolution artistique et l'évolution des langages. J'ai pas dit qu'il n'y en a pas, mais j'ai pas dit que c'est une corrélation absolue. Pour Stockhausen, la corrélation est absolue parce que il découvre, et ça m'a beaucoup marqué dans la composition, dans l'apport technologique de l'électroacoustique, puis moins informatique, ça sera moins le monde de Stockhausen, les sons nouveaux qui changent le cours de l'imaginaire. Et ça, effectivement, ça m'a marqué. Quand je vous raconte le travail sur notamment sur Appel, mais ça pourrait être dans l'ouverture pour une fête étrange, je vous cite des pièces qu'on ne connaît pas, mais tout de même, elles ont été des pièces, ouverture concerto pour un piano espace, ma relation avec l'IRCAM, ma relation avec le GRM, j'ai été très très très marqué par cette approche stockhausenienne, et j'étais d'autant plus marqué qu'étant pianiste et concertiste, je faisais mon son avec mes doigts, et qu'il y avait une relation entre le fait de faire le son, concevoir le son, imaginer le son, être bouleversé par le son et découvrir dans le son ce que je n'attendais pas et m'ouvrant des champs poétiques inimaginables. C'est le fameux choc de la gifle à Haydn. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait des surprises beethoveniennes dans le langage de Stockhausen. Donc pour moi, aujourd'hui, j'ai réfléchi, je savais qu'on aborderait ça aujourd'hui. Et j'ai réfléchi tout de même à cette question de l'historicité dans les langages musicaux. Et pour employer un terme sans m'égarer là-dedans, sur le sens de l'histoire, simplement pour vous dire que moi, en tant qu'élève au conservatoire et en tant que jeune compositeur, avant d'entendre de la musique de Messiaen, je l'avais imaginée, je savais qu'elle était inscrite. Avant d'entendre les structures de Boulez et le marteau de 100 mètres, je avais imaginé ce type de langage. Donc, il était inscrit dans un devenir. Donc, à la fois, on peut ne pas lier la création à un mouvement d'évolution historique, mais en tout cas, pour moi, je reste dans cette lignée tout de même, sans aller développer sur le sauvetage de l'humanité par la musique, mais sur le fait qu'il y a une utopie et une foi dans la création et une attente de l'imaginaire et une attente de la révélation. Mais vous voyez, on y est dans le vocabulaire religieux. Mais alors, puisque vous parlez, ça c'est passionnant, de cette question de l'évolution technologique qui entraînerait ou non une évolution artistique, est-ce qu'il y a une histoire des langages musicaux ? Jusqu'où est-ce que vous allez justement dans votre inscription dans cette histoire ? Quand on parle aujourd'hui de musique contemporaine, d'évolution technologique, de musique électronique, c'est pas forcément aux gens que vous venez de citer que l'on pense. On peut penser à des DJ, on peut penser à un autre rapport à la musique. On peut par exemple penser à ça. Bring it, babe, watch it, turn it, leave it, stop formatted. Quand on entend un extrait des Daft Punk en concert, c'était en 2007, Touch It et Technologic, hein, c'est les deux morceaux qui sont remixés ensemble. Est-ce qu'on s'inscrit ici dans une évolution de l'histoire musicale dont vous parlez, Michael Levinas, ou est-ce qu'on parle de complètement autre chose? Non, on ne parle pas de complètement autre chose. On parle de d'abord d'un langage poétique indiscutablement. Bon, il est spécifique. Effectivement, vous avez raison, il y a des cloisonnements dans les mondes. Vous avez employé le mot musique contemporaine tout à l'heure, donc il faut savoir exactement ce que ça recouvre. Je sais ce que ça recouvre en 1980-90. Aujourd'hui, je dirais musique de création. C'est donc le terme est un peu différent que ce terme dans la mesure où ça deviendrait un genre. Mm-hmm. Ce qui se passe, ce que j'entends là, si vous voulez, c'est une musique, effectivement, je ne suis pas sûr que cette musique est là. Il y a quelque chose dans lequel on retrouve des problématiques dans le domaine de la musique dans laquelle je me trouve plus. C'est la question de la relation à l'écriture. La relation à l'écriture, la relation à l'interprétation, l'identité vocale, bien entendu, la question du travail sur le timbre qui est fait notamment par des équipes technologiques, comme ça se passe à l'IRCAM, comme ça se passe dans les différents lieux, c'est-à-dire aujourd'hui, à travers ce que nous avons évoqué, la pression de progrès technologique, soi-disant la différence entre la musique de création contemporaine et cette musique-là, c'est que, d'une part, ce sont des musiques qui passent davantage peut-être par la mémoire de l'enregistrement et du concert, que par la transmission, par un texte écrit et par des signes de notation. C'est vrai. Et cette question-là, je dirais, elle est cruciale. Donc le rapport à l'écriture de la musique. Le rapport à l'écriture et le passage par le signe, et aussi la limite du signe écrit dans l'invention du timbre et le trouble qu'il peut y avoir entre l'interprétation, l'écriture, dans le domaine de ce qui est un événement musical, qui est une œuvre dont on peut se demander si elle est véritablement destinée ensuite à être transmise et être interprétée par d'autres interprètes, ou si interprète, lecture et mémoire des sons qui ne passent pas par le signe ni peut-être par l'écriture, est un tout. Et éventuellement pourrait être ce qu'on appelle non plus une musique classique, une musique de transmission, et j'utilise le terme d'une manière totalement vécue, vous me regardez bizarrement. C'est-à-dire, non, j'attends la suite. Une musique actuelle. Oui. Dans un certain nombre des œuvres dans lesquelles j'ai travaillé, sans avoir fait cette orientation musicale, mais il y a une interrogation sur la manière dont on prend mon texte, ma partition, en mon absence, en l'absence de l'équipe, des DJ, que ce soit les DJ de l'IRCAM ou les DJ d'ailleurs, maîtrise entre une voix, un timbre, un espace, un tout qui est indiscutablement un événement musical. Et effectivement, est-ce que c'est un critère que la question de la transmission et la question de la symbolique du signe? Ah, c'est une excellente question. D'ailleurs, un des albums de Daft Punk s'appelle Random Access Memories. Eh ben, évidemment. Et moi-même, j'ai fait des entretiens à ce sujet-là il y a une dizaine d'années, ce que j'appelais l'amnésie des signes, avec Emmanuel Lambert, qui a eu le prix Femina il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai bien entendu tout de suite perçu cette problématique, et ça fait partie, je dirais, c'est au cœur de mon travail actuel. c'est-à-dire par rapport à des œuvres. Bon, j'ai donné une œuvre qui s'appelait La Passion selon Marc, une passion après Auschwitz. Ouais. C'est une œuvre rigoureusement écrite, elle, qui n'a aucun apport technologique. Mais si on prend un opéra comme La Métamorphose que j'ai faite en 2011, donc une adaptation de La Métamorphose de Kafka. Oui, c'est ça. Oui. Ou par exemple une œuvre sur un texte de Gerashim Luka, le poème Battu. Eh bien, c'est évident. Et je travaille beaucoup avec un ensemble qui s'appelle Le Balcon, qui est un ensemble qui travaille presque comme ce qu'on vient d'entendre là, vraiment, avec un chef d'orchestre exceptionnel, Maxime Pascal, en même temps qui a dirigé La Passion et qui est un peu dirigé du Ravel et du Mozart comme personne. Mais si vous voulez, cette question de savoir est-ce que ce signe qui s'est stabilisé au cours de 4-5 siècles, à partir, je dirais même de Guido d'Arezzo, ça c'est le lieu commun, c'est-à-dire que la notion de notation, j'ai pas d'écriture, qui a permis le développement de l'écriture, la stabilisation des auteurs de la fin du baroque, qui a en même temps, paradoxalement, engendré les débuts de la modernité, avec Beethoven, on y revient, c'est-à-dire une notation liée à une écriture codifiée, qui fait que si on joue le clavier bien tempéré, sur un clavecin, sur un orgue, sur un piano, c'est le même clavier bien tempéré malgré tout. Parce que les codes de la syntaxe et de la grammaire de l'œuvre, du système tonal et de la technicité, si vous voulez, les ponctuations, elles sont par-delà le timbre, oui. Par-delà le son. Mais alors qu'est-ce que vous faites de la part d'interprétation qui dépasse l'écriture de la musique? Qu'est-ce que vous faites, pour être très clair, des concerts? Du moment où l'interprète noue un lien avec le public qui dépasse la partition, au fond. Mais bien sûr, qui dépasse la partition, parce que la partition porte en elle-même, c'est pas à vous que je vais le dire, ici, dans votre émission. On n'a pas le de partition, texte. Aussi. Vous avez le texte. On a toujours le texte, oui. Et vous savez à quel point le texte vit et à quel point le texte porte en lui-même son interprétation, ses interprétations, comme je le dis pour Beethoven, infinies, interprétations infinies. C'est-à-dire que le texte, l'instrument, l'histoire de l'instrumentiste, le contexte fait que l'œuvre a sa vie. Mais il y a aussi la lettre du texte. La question, la lettre du texte, elle est très importante pour toute une période de l'histoire de la musique. Et effectivement, la question de la lettre du texte, il faut savoir si la lettre existe, et c'était tout un problème sur la question de y a-t-il encore des signes pour codifier? Y a-t-il une mémoire? Faut-il accepter éventuellement aussi la disparition, l'effacement parfois de l'écriture? Et ça, ce sont des questions, c'est pour ça que j'ai fait ce livre sur Beethoven, parce que c'était à la fois un compositeur qui travaille sur la lettre du texte, il travaille sur le signe, sur le fait que le signe peut être déchiffré par l'autre et réinterprété, et en même temps sur l'identité du texte, mais en même temps, déjà avec Beethoven, il travaille sur le son, l'évolution de la lutherie, et il y a une relation entre l'évolution du son instrumental et le développement de l'écriture et du langage. Et effectivement, d'ailleurs, dans le cours de Darmstadt de 72 de Stockhausen, il montre la relation entre le son et l'intelligence du son. C'est ce que fait Beethoven. L'intelligence du son, la notation et l'écriture. Et c'est dans ce sens-là que je parlais d'un Davos de la musique. C'est-à-dire, c'était véritablement la renaissance, ce qu'on appelait le courant spectral, la renaissance d'une écriture de l'harmonie et une écriture du timbre. C'est vraiment... je rencontre avec beaucoup d'intérêt le petit exemple que vous m'avez fait entendre. Vous parlez des Daft Punk ? C'est ça, oui. Alors avant de revenir à Beethoven, je voudrais qu'on écoute ensemble une autre voix, un autre de vos maîtres, Michael Levinas. Et voici le rossignol. Il éclate tout d'un coup, brusquement. La seconde strophe... Ce sont des batteries sur deux sons très célèbres. Tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico. ensuite dans le grave, un timbre mêlé clavecin et gong qui fait tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou. Voici le râle de Genet. C'est étrange, ce rythme iambique, brève, longue, que l'on entend dans les hautes herbes de la prairie. C'est lui, il fait... Et puis, des notes répétées qui se terminent par un torculus victorieux. Tio, tio, tio, tio, tio, tio, tio, la Borix ! Et enfin, des sons lents, lunaires, lointains. On croirait que ça vient d'une autre planète et que l'oiseau est parti bien, bien loin ailleurs. Et puis tout d'un coup, il est là et il y a une phrase formidable et très rapide pour finir et très forte. Qui venons-nous d'entendre, Michael Levinas? Évidemment, c'est Olivier Messiaen. C'est Olivier Messiaen. Alors, je vais vous dire une chose, c'est extraordinaire, la voix de Messiaen, parce que, bon, vous savez tout de même que j'aime bien beaucoup le théâtre. Et effectivement, l'intonation d'Olivier Messiaen, n'est-ce pas? Oui, il parle c'est comme une ça. Intonation que je connais très très bien, dont je l'ai entendue d'ailleurs chez quelqu'un d'autre. C'est Maurice Blanchot. Et vous pouvez pas comprendre les mélodies du début du siècle, hein, sans savoir comment se prononçait la langue française à cette époque-là. Et quand j'ai travaillé avec Magali Léger l'intégrale des mélodies de Forêt, eh bien, pour comprendre certains poèmes, j'ai reproduit l'intonation de la langue française de Maurice Blanchot, en ayant oublié que mon maître l'avait aussi. Oui, parce que là, la musique est dans sa voix, Olivier Messiaen, c'est ça qui est formidable. La musique est dans sa voix, effectivement, c'est un aspect de la musique de Messiaen que vous faites entendre, c'est un aspect... Bon, c'est ma très très grande rencontre, Olivier Messiaen, c'est un maître, j'ai eu beaucoup de mal à avoir des maîtres. Je vous ai évoqué Stockhausen, Messiaen sans aucun doute. J'ai eu des très grands maîtres au piano. J'ai eu Vlado Perlmutter, j'ai eu Yvonne Lefebvre, j'ai eu Lazare Lévy. Mais comme on disait dans la fin du XXe siècle, le transfert était même difficile. Et j'ai fait un grand transfert sur Stockhausen, vous l'avez compris. Il y en a eu, mais ça vous l'avez bien compris. Mais à travers aussi l'image de 29. Là, c'est évident que c'est un aspect de la très très grande dimension de Messiaen. D'ailleurs, dont certains de mes étudiants ont fait un livre très très extraordinaire, Thomas Lacote et Balmer, sur toute la manière dont Messiaen, je dirais, canalise toute l'historique de trois siècles de musique de manière à échapper à sa manière à la modernité transgressive dans son côté le plus trivial que pouvait être l'école de Paris des années 30 autour du mauvais Stravinsky et de Darius Milhaud pas inspiré et Germaine Taillefer dont nous rigolons avec mon fils très souvent. Donc effectivement, si vous voulez, oui, c'est ce qu'on appelle le culte de la fausse note. Mais Messiaen a totalement synthétisé plusieurs choses, si je puis dire, c'est ce que j'entends là-dedans, mais je le dis très rapidement, il a synthétisé la question de l'essence du mélodique dont nous parlions tout à l'heure, et ce que mon père appelle le chant et la danse, à travers le modèle vivant de la vocalité du chant d'oiseau. Lequel chant d'oiseau fait en même temps une proposition, et là c'est là que c'est extraordinaire ce qu'on entend, une proposition dans le domaine de l'invention métrique, ce qui est aussi un des grands apports de Messiaen par rapport à l'héritage romantique, notamment, et du XVIIIe siècle, il évoque le torculus, c'est-à-dire il évoque en même temps l'essence plein chantesque du mélodique, et il évoque la relation entre le percussif et le timbre qui n'est plus tempéré, parce qu'il le coagule, en chantant en même temps et en frappant sur le piano. Tout ça en parlant des oiseaux quand même. Hein. Voilà, et ça, effectivement, ça, c'est ce dont je viens de vous parler. Avec les incidences orchestrales, soit en soi-même, c'est un enseignement qui sans doute a été aussi important que le Darmstadt de 72 pour arriver on va parler de cette foi dans la création, hein, à faire espérer dans le domaine du langage musical. Voilà, c'est ça, espérer. Et alors il disait une chose aussi qui m'est très proche. Il disait que il commence pas l'œuvre par le début ou par la fin. Il la commence par le centre, mais il la commence au moment où l'œuvre commence à exister. Et ça, c'est un enseignement extraordinaire. Mmh. C'est un enseignement extraordinaire parce qu'en aucun cas, elle ne formalise le modèle, si vous voulez. C'est-à-dire que la forme sort, c'est la fameuse table qui devient le visage. Et la boucle est bouclée, Michael Levinas, on doit bientôt se quitter. Nous allons entendre ensemble un dernier son et je vous propose de le choisir parce qu'il y a beaucoup de choses à disposition, il y a beaucoup de choses dont nous n'avons pas eu le temps de parler. Est-ce que vous voulez qu'on se quitte avec la symphonie numéro 6 de Beethoven? Est-ce que vous voulez qu'on se quitte? Oui. Ah oui, bah alors oui, on s'arrête là. Oui, oui, c'est la fameuse vibration par sympathie. Et vous avez Schwachtakhausen, NBC, l'orage. Toscanini. Toscanini, c'est un événement de l'histoire de l'interprétation de Beethoven et modestement, c'est de là aussi qu'est sorti chez moi tout le travail sur la saturation et la vibration du son dans l'orchestre. La vibration par sympathie de l'orage. Alors, on va en écouter quelques minutes et vous restez avec nous car vous avez encore à nous partager vos livres de chevet, Michael Levinas. Voici donc la symphonie numéro 6 en fa majeur de Beethoven avec comme chef d'orchestre Arturo Toscanini. Et on va garder avec nous cette symphonie peut-être jusqu'au bout, on verra jusqu'où elle nous mène. Michael Levinas, je vous ai demandé, comme à tous les invités, de venir avec les trois livres, soit vos livres de chevet, soit trois livres qui sont très proches de votre cœur. Quels sont ces trois livres? Écoutez, il y a la métamorphose de Kafka, presque d'une part pour des raisons autobiographiques, mais aussi parce que oui, tout de même, comment mon ça histoire... Vous êtes réveillé en cafard? Non, je me suis pas réveillé en cafard, mais mes ancêtres ont été traités comme des cafards. C'est ça, au sens métaphorique. Voilà. Mais si vous voulez, la question de la crise de l'identité, tout de même, savoir qui est qui, comment il est, et à quel moment il n'est plus, et d'autre part, la temporalité, c'est-à-dire la façon... Et ça, au théâtre, c'est très important. La manière dont le temps évolue dans une forme littéraire, mais qui dans une forme pour moi théâtrale. Et effectivement, le glissement temporel, ça c'est pour moi, c'est une œuvre très très très très importante. Et je retrouve cette même problématique dans ce texte que pour l'instant je n'ai jamais pu mettre en de manière musicale, mais je suis sûr, c'est Amphitryon, c'est-à-dire qui est de Molière. Oui, bien sûr, de Molière. Et ça, je dirais, c'est une crise identitaire qui est tout de même beaucoup plus française et beaucoup plus liée à la question du rapport politique. Il y a quelque chose du loup et de l'agneau dans cette histoire-là aussi, la raison du plus fort et la meilleure. Qui est le vrai Amphitryon? Mais c'est tout de même, pour moi, théâtralement, très lié à les questions du trouble du visage et de l'identité de l'acteur. Et ça rejoint le travail que j'ai pu faire dans Jean Genet, dans Les Nègres, que c'est effectivement le moment où on met le masque blanc, on est blanc, le moment où on met le masque noir, on est noir, avec tout ce que ça peut organiser, et y compris le travail sur la temporalité. Ce qui est tout de même plus proche de l'immédiat de mon travail, ça a été la rencontre avec la poésie de Paul Celan, la poésie de Paul Celan, d'une œuvre comme Dichla, et surtout l'esprit très très particulier que peut représenter le mot Espenbaum, c'est-à-dire la vibration. La vibration, peut-on faire de la poésie après Auschwitz? Et la mère qui ne reviendra pas, alors que toute la passion sur laquelle j'avais travaillé, c'était sur la mère qui souffre pour la crucifixion du fils. Mmh. Et la rencontre avec, évidemment, encore une fois, est une rencontre qui appartient à ma famille, mais dans le texte, dans la poésie de Paul Celan, nous sommes très loin de Stockhausen, nous sommes très loin de Messiaen, c'est un autre monde, c'est un monde qui m'est plus intime, si je puis dire, mais il y a dans la poésie de Paul Celan, surtout celle qui date de l'après-guerre, une transversalité assez secrète avec le yiddish, que je ne connais pas, mais avec la radicalité de la prière ashkénaze d'Europe centrale. Par exemple, une chose comme psalme, ou quand arrive le mot kaddish. Et donc, ces mélodies, je n'ai jamais reproduit des mélodies synagogales, mais cette radicalité de cette langue yiddish qui pleure et qui souffle et qui s'essouffle, et avec un langage harmonique qui évolue par métamorphose très lente, ça, c'est vraiment... J'ai fait tout un cycle récemment, là encore en été, sur... Alors, c'est vraiment mon livre de chevet, oui. En allemand, en allemand. Bon, eh ben, on a le droit de le lire en d'autres langues si on ne parle pas allemand, oui, mais... Oui, mais l'allemand est très particulier dans ce domaine-là. C'est noté, et on mettra vos livres de chevet en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie, à côté de votre ouvrage à paraître la semaine prochaine, le 15 avril. Beethoven, toujours, 32 sonates pour quel infini, des entretiens avec Daniel Cohen-Lévinas aux éditions du Cerf. Merci infiniment, Michael Lévinas, d'être venu ce matin. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Pour ce cours particulier que vous venez de nous offrir. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, grâce à qui cette émission a lieu tous les jours. Aujourd'hui, l'émission était préparée par Clémentine Marais, à qui je souhaite la bienvenue, en compagnie de Jules Barbier, Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger, qui a réalisé pour vous cette série d'émissions. Jacques Hubert est à la prise de son. On se retrouve lundi prochain. Ce sera l'occasion de redécouvrir une série d'émissions autour des contresens philosophiques. Connais-toi toi-même. L'homme est un loup pour l'homme. Comment se rendre comme maître et possesseur de la nature? Et enfin, la banalité du mal. Autant d'expressions beaucoup citées, souvent mal comprises. Alors ce sera l'occasion, chaque jour de la semaine prochaine, d'élucider ces formules. Et on terminera, évidemment, avec un autre cours particulier. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture, ou bien en téléchargeant l'émission via, par exemple, l'application de Radio France. On se retrouve lundi donc à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.